j'envoie un check, harponner le crabe. J'ai de la rime qui casse des culs, me vois avec un bonnet d'âne. Comprends le business, rue de la peine, après tu sabres. Rajoute côté les langues de vipère sur la tête de Médusa. Mate les gens boîtes et quoi trop de charge. Sans voix se décompose, trash. J'envoie des combos de slam, sans quoi les complots stagnent. Dans ta c'est dans des closes dark. Tu devras faire des sacrifices quand ça dépend des autres strates. Vu la paye, c'est déjà critique. Dans le sens du but, j'ai pas les attaques à rouler. Ce monde est froid, n'étant que pur, je rêve noir et katana rouillé. Un amas de sale ras sous le pied, y'a pas la vibe, ça fait Collins. Je pars à froid, ça vite chronique, mais dès le départ, ça m'a saoulé. On casse des bouches graves, comme le ninjutsu de guy. T'entends parler de sous-table, commune, il est sbrouf gagne. Visible veut dire coup de grâce, un molaire dans leur soutien. Fiston, vive le boom bap, je vois clair ceux qui me soutiennent. On crache tout le bad, crache tout. Tant que nos vœux le ravivent, le boom bap ne sera jamais mort, tant qu'on le fera vivre. Tant t'as fait pour lâcher les baffes et les missiles. T'en as fait le tour, on en a pas fait les missiles. On crache tout, bad. Tant que nos vœux le ravivent, le boom bap ne sera jamais mort, tant qu'on le fera vivre. Tant t'as fait pour lâcher les baffes et les missiles. T'en as fait le tour, on en a pas fait les missiles. On se fait nous-mêmes, essuie notre route, celle qu'on emprunte. Écoute traçable, essuie nos troubles. Aucun marmot que t'étonne en brinque. Écoute traçable, amé par d'autres, adulé par les uns. Sans doute trop excentrique, ceux qui les partent des uns. Qui cotent dans le dos sont des trompettes sans triple. Agaçant genre, mais j'ai l'estime qu'à miro pas. Les gains engendrés par les streams t'habilleront pas. On se passera de tes génies prolo, aucun d'entre eux m'a mis le rota. Pas de stratégie ni promo, donc celle qu'on est t'habilleront pas. Non, non. Et vu que le rap c'est comme la bouffe, on veut plus qu'un dos amène. C'est qu'on la boucle, on veut plus que le rap, veut plus qu'un dos amène. Capable de beat, y a plus de loose à la plume titanesque. Capable de dire qu'il y a la plus lourde, qu'il y a la plus petite à l'aise. Anti-jeu du trône, je rate même sans mérite. Quand je dis que je tue trop, c'est que tant de propos, grave fait que sans mérite. Paye ton sky, qu'un mec tu perds, tu genre qu'à boire que c'est manque. Mode de vie, paye ton style avec une paire de Jordan White, on c'est manque. On crache tout le bad, crache tout. Tant que nos vœux le ravivent, le boom bap ne sera jamais mort, tant qu'on le fera vivre. Tant t'as fait pour lâcher les baffes et les missiles. T'en as fait le tour, on en a pas fait les missiles. On crache tout, bad. Tant que nos vœux le ravivent, le boom bap ne sera jamais mort, tant qu'on le fera vivre. Tant t'as fait pour lâcher les baffes et les missiles. T'en as fait le tour, on en a pas fait les missiles. On parlait, parlait, parle, on ne dirait pas, mais le rap est carré. Dès le départ, je bats les cartes, je bats ta part, je veux pas me les carrer. Je m'étale et vise haut, je vais les tomber comme des plots. Je me décale, écrase l'écart sur des freestyles en vidéo. T'as pas l'état, la condition, t'as peut-être des gars, les faux, les camés. Je déballe qu'à condition qu'au bout du compte, le mic soit cramé. Pas de star ni paillettes, t'aimerais pourtant que je disparaisse. Par balle et mitraillette, tous ces bâtards qui disparaissent. Il paraît que ça va pas, paralysé quand le son part. Ça l'ingrate et validé que par tous ceux qui ne le sont pas. MC Banque a passé le balai, j'ai de la balle au fond de la mallette. C'est le malaise qui colle au palais, j'ai de la face, le flot trop balèze. Prie pour qu'on t'épargne, y'a pas beaucoup d'écart. Tu files dans tous les cas, mais y'a qu'une rime qui nous sépare. Dans ma sphère, j'ai trop à faire, j'suis ni à terre et ni enterré. J'kick et ni à tel, elle ni à terre, même pas d'intérêt. On crache tout le bad, crache tout. Tant que nos vœux le ravivent, le boom bap ne sera jamais mort, tant qu'on le fera vivre. Tant t'as fait pour lâcher les baffes et les missiles. T'en as fait le tour, on en a pas fait les missiles. On crache tout, bad. Nos vœux le ravivent, le boom bap ne sera jamais mort, tant qu'on le fera vivre. Tant t'as fait pour lâcher les baffes et les missiles. T'en as fait le tour, on en a pas fait les missiles.